Le SLK, ok, BRACK, braqueur, CSI, 9A2S, ma gueule, Bebe, la famille, la foi, les zinc, ouais, ok, ça fait, La vie me rend fou, la galère m'a mis la camisole. Enfermé dans ma bulle, sans être un cafon que la camisole. Plus d'ambition, ne tirez pas, c'est de la faute à la street. Motivé pour rien faire pourtant, on m'a éduqué à la street. J'ai plus d'espoir, j'apprécie pas le taf que fait le néant. Plongé dans le désespoir, j'espère même plus ne plus être fainéant. Tous dans le gouffre, on a pris la même route à sens unique. Bellec, les sons verra que la MIFA peut faire du bif sans cynique. J'vois pas l'avenir, pousse un peu chaque jour comme un palmier. C'est la lassitude et je me suis habitué, ça je peux pas nier. Y'a pas de genre pour en avoir, mais ironique leur jeunesse qui t'a 6h du mat, se faire soulever par Véronique Jeunesse. J'suis venu des os, le keuf du rap pour mon 9A2S. Et j'm'échappe au toit avec à la Bellec avec NA2S. Il leur reste que pour Veski la bac, y'a pas mieux qu'un spirit. FEA 9A violent comme un cocktail au White Spirit. Au microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. Au microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. Tu as des putes à poudrier, du fric à soutirer. Tu me verras sur le terrain, j'aurai pas le temps de soupirer. On appartient à ceux qui ont parti pas de cash. Entre mes rap et les poulets, c'est une partie cache-cache. Présente tous les frelons qui parlent cash sont dentés. Si quelqu'un touche à notre part, on lui casse son dentier. Y'a un pute à un micro, ça va freestyler, d'accord. J't'aime Jacques, t'es comme une pute, j'me dois de mitrailler ta gorge. Moi j'avance dans le brouillard, et toujours des brouillards. C'est pour tous les rouillards, ici y'a pas de trouillard. Dans la rue ça va péter, car la tension à tes os. Soit t'es un gars réglo, ou attention à tes os. C'est la rage et la galère, la haine dans les artères. Et tous ceux qui me prennent de haut se retrouvent le cul par terre. Ok j'arrive en deux splits, le debit en deux splits. J'ai la banlieue dans la peau, mais je carbure sans feu split. Mon microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. Mon microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. J'ai rappé dans le sang, stifleur, j'arrive du 9A100 dans le sud. Carnage resto et ton refrain, j'ai retrouvé du sang dessus. Phrase hardcore, lyrique s'engage et donc style atomique. On fait sauter décor, rappeur enragé, fais gaffe à ton pic. Tout le monde à terre, je dégaine le match. Américain, coup de crosse pour les supporters. Reprise de vola à la Rouliane Rose, des gosses perdus sur l'île imaginaire, t'entends pam pam. L'enfer clochette pointue, j'ai dû faire une hagla. C'est pour les patrouilleurs qui roulent à fond en YZ. Ceux qui ont pris des aides, qui veulent des thunes et que les filles décèdent. Pour les gars sur les bancs qui veulent du cash et des blases. Et casser la face, ceux qu'on crache et des blases. Qu'ont la tête dans les embrouilles, qui fassent les grosses pédales. Qui aiment se torcher le cul avec les pages du code pénal. C'est pour mes galériens qui dit salim au coin quoi. Ceux qui savent que dans ma bouche j'ai un 1143. Mon microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. Mon microphone, un 357, il est municipal. C'est pour mes rap qui sont grillés devant la municipale. OMIC, 9A bitume, du coup accoutumé. On se fait entendre les langues de pute d'un coup accoutumé. 2006, CSI, braqueur les seuls cas. Y'a rien.